Oh putain, ça bouge, serait ça un tremblement de terre. Non, c'est brutal, je te l'avoue, comme réveil. Putain, mais qui me parle pendant mon sommeil? Non, tu ne dors plus, bienvenue dans le monde réel. Pose tes fesses, voici l'explication des règles. Toi, pour t'en sortir, il faut que tu passes par sur elle sombre où ça sent la piste, la crasse. L'issue est souvent bloquée par une impasse. Mais ferme-la toi, ma vie c'est les palaces. Mon avenir se veut sur l'avenue des Champs-Élysées. Dans une ruelle crasseuse, tu voudrais m'enliser. La vie évolue, arrête de pleurer sur ton sort. Tu as élu domicile dans l'impasse de l'espoir. Tu veux changer d'adresse, ça c'est à toi de voir. Tout ce que tu es prêt à fournir comme effort, c'est ça, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi aussi je veux devenir un propriétaire. Ma femme, mes gosses, respirer du bon air. Mais même de mes rêves, je suis un locataire. Dans ce labyrinthe se trouve la solution. Dans ce dédale de couloir, certes ça grouille, mais c'est là que se trouve l'issue de secours. Au loin je vois les galères qui accourent. Tout le monde se demande de qui ce sera le tour. Qui devra primer, trouver l'issue de secours. Tout le monde veut savoir où se situe le recours. Au loin je vois les galères qui accourent. Tout le monde se demande de qui ce sera le tour. Qui devra primer, trouver l'issue de secours. Tout le monde veut savoir où se situe le recours. Chaque problème son issue, issue des bas-fonds. La solution surgit, percutante comme un cri dans la nuit. L'issue de secours, parfois de recours, à court, à coup sûr. Pas de tunnel sans lumière, ensuite orage, soleil. Tout dépend du choix de la voie, c'est soit tu t'en sors. L'histoire suit son cours et te laisse à ton sort. Soit c'est que tu t'enfonces, aperçois pas la suite. Sans que cesse de s'entasse, les crasses qui te percent le crâne. Pire qu'un blâme, des briques secs, rien ne brille. Tout vrille, prise de tête, mec comment se relève. Si c'est vers le précipice, sans suite que je me précipite. Au loin je vois les galères qui accourent. Tout le monde se demande de qui ce sera le tour. Qui devra primer, trouver l'issue de secours. Tout le monde veut savoir où se situe le recours. Au loin je vois les galères qui accourent. Tout le monde se demande de qui ce sera le tour. Qui devra primer, trouver l'issue de secours. Tout le monde veut savoir où se situe le recours. Je suis tombé dans un gouffre, regarde ce que je souffle. Depuis debout, des gouttes de pluie m'arrosent. Je traçais ma route, tu me croisais le soir en maraude. Autocollant en poche, c'est mon Blaskovic, je colle. Je me cale, excédent d'alcool sur la banquette, je me décale. Les néons défilent sans blé, plongés dans le néant. Je fais plongeon pour mes fins de nuit, car moi je suis néant. Profondeur quand certains tombent tout bas. Pour ma part, à peine en nappe, mais je traverse ma ville sans tuba. Une voix vient troubler mon micro-trauma. L'interphone grésille, suis-je tombé trop bas? Car à suivre la rame, je me résigne. C'est nos esprits qu'on pose le temps d'un trajet. Trajectoire tragique en quoi j'ai des projets en cas. Je dessine mes traces fuyant leur paralysie. On en reparlera d'ici que je reparte à l'usine. Je suis défaillant, dans leur wagon l'erreur. Et si mon rap n'a pas de trame, nique sa mère les leurs. Des slogans à notre portée, c'est mathématique. On se laisse porter des calques, c'est systématique.